Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Le 23 juin 1977, dans la charmante petite ville de Pößneck, à l'est de l'Allemagne, quatre silhouettes se faufilent dans la nuit. C'est la famille Strelzik. Ils marchent en silence, leurs visages sont graves. Il y a environ une heure, chez leurs amis, les Wetzel, ils ont pris une grande décision. Que dis-je ? Ils ont élaboré un plan complètement fou. Les deux familles vont fuir leur pays en montgolfière. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vivent une situation dramatique. Leur pays, comme un gros fromage, a été coupé en deux. Pour les habitants de la partie Est, appelée désormais RDA, République démocratique d'Allemagne, la vie est un véritable enfer. Chaque jour, de nouvelles libertés sont supprimées et la Stasi, l'affreuse police secrète, surveille les citoyens. Ils ont des informateurs partout. Leur pouvoir est immense. Emprisonnés comme des rats dans leur propre pays, beaucoup rêvent de fuir. Ils veulent passer à l'ouest, en République fédérale d'Allemagne, où le gouvernement ne contrôle pas la population et où la Stasi n'existe pas. Mais comment ? La frontière entre les deux pays est infranchissable. Hérissée de clôtures et de barbelés, protégée par des explosifs et des chiens qui aboient comme des loups, on appelle cette zone le couloir de la mort. Les Strelzik et les Wetzel ont-ils raison de braver le danger ? Leur fragile montgolfière, ballottée par les vents, les portera-t-elle de l'autre côté de la frontière ? Voici l'incroyable épopée de deux familles prêtes à tout pour retrouver la liberté. Peter Strelzik a, oui, dans les 35 ans. Le matin, qu'il neige ou qu'il pleuve, il aime boire son café, fenêtres ouvertes, adossé à la rambarde du balcon. Peter est un homme prévoyant. Prévoir, c'est réfléchir. Peter réfléchit. S'enfuir en montgolfière, c'est Günther Wetzel qui en a eu l'idée. Passer par la terre, passer sous la terre, ça ne marche pas. Tout le monde se fait prendre. Alors pourquoi ne pas passer par le ciel ? Peter l'avait regardé d'un drôle d'air. Mais oui, réfléchis. Les gardes tirent sacrément loin. Mais leurs balles ne nous atteindront jamais à 2000 mètres d'altitude. Partir en montgolfière, c'est ça qu'il faut faire. Le projet était complètement fou et surtout extrêmement risqué, mais il avait compris. C'était leur unique chance, la seule solution. Oui, bon, plus facile à dire qu'à faire. Ni lui, ni Günther, ni leurs épouses Doris et Petra, ni aucun de leurs quatre enfants n'y connaissaient quoi que ce soit en ballon qui s'envole. Il avait fallu se débrouiller, apprendre, se renseigner, sans se faire opérer. Pendant 2 ans, dans le plus grand secret, ils ont patiemment construit la nacelle qui transportera les 8 passagers. Morceau par morceau, ils ont cousu l'immense toile qui les fera se déplacer dans les airs. Le ballon est désormais prêt. Ils n'attendent plus que le vent, le bon vent, celui qui arrive du nord et qui pourra les porter plus au sud, de l'autre côté de la frontière. Peter est sur le point de refermer la fenêtre lorsque... Oh ! Bon sang, bonsoir. Il remarque tout d'un coup une flopée de feuilles qui s'envolent. Et pas n'importe comment. Ma parole, elle se déplace en direction du sud. Doris, Doris, le vent s'est enfin levé, vite! Il faut prévenir Günther et Petra. Cette fois c'est bon, on part! Dix minutes plus tard, le couple est assis dans le salon des Wetzel. Ces derniers ont servi le café et quelques strudels. Au-dessus des tasses en porcelaine, l'ambiance est glaciale. La discussion est à couteau tiré. Peter, Doris. Explique Günther. J'ai bien réfléchi. J'ai fait et refait tous les calculs plusieurs fois. C'est trop risqué. On ne tiendra jamais à 8 dans la nacelle. Alors je suis désolé, on ne peut pas partir. Peter ne dit rien. Alors quoi ? Parce que son ami, au dernier moment, se débine, tout s'arrêterait là ? Impossible, il ne peut l'accepter. En prenant son courage à deux mains, il demande. Est-ce qu'on peut tenir à 4 ? Après un long silence, qui paraît peser au moins 500 tonnes, Günther finit par répondre. Oui, vous pourrez tenir à 4. La décision est prise. Peter, Doris, leurs deux garçons, Frank, 15 ans, et Andreas, 11 ans, s'envoleront, seuls. Le soir même, la petite voiture des Strelzik sillonne la campagne. Pour ne pas se faire repérer par la police, ils ont éteint leur phare. Les chouettes ululent. La lune s'est levée. Dans une heure ou deux, peut-être, ils seront passés à l'ouest. Parvenus à 12 km de la frontière, ils s'arrêtent dans une petite clairière. Peter, Doris, Frank et Andreas installent le matériel. Le brûleur à gaz fonctionne bien, il recrache une immense flamme. Sous l'effet de la chaleur, la toile se déploie, elle gonfle. La montgolfière, tout d'un coup, se dresse. Tout le monde monte à bord. Allez, c'est parti! 1, 2, 3! Peter coupe les cordages qui le retiennent au sol. Comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, oh, c'est magique! La montgolfière décolle! Oula, la nacelle tangue dans tous les sens. Accrochez-vous, les enfants! Peter et Doris ont les yeux rivés sur leur altimètre. C'est un petit appareil qui permet de mesurer la hauteur. 600, 700, 1000, 1500 mètres! Pétard, ça grimpe, ça grimpe! Mais, problème. Le brouillard est sacrément épais. Où se dirigent-ils? Ils n'en ont pas la moindre idée. Parents et enfants se regardent. Ils sont inquiets. Ils ont froid. Ils claquent des dents. Nom d'un strudel brisé. Peter, tout d'un coup, sent trois petites gouttes d'eau lui tomber sur le nez. Il lève les yeux. Ça vient des nuages ? Si la toile se mouille, on sera trop lourd et on va redescendre ! Paniqués, ils jettent un œil à l'altimètre. Ils viennent de perdre 500 mètres en quelques minutes. La montgolfière se rapproche de la Terre à une vitesse ahurissante. Oh, c'est pas vrai ! Mais on va s'écraser ! Quelques secondes plus tard, dans un fracas de tous les diables, la nacelle frappe le sol. Heureusement, tout le monde va bien. Reste à savoir où ils ont atterri. Le vol a duré 32 minutes. Théoriquement, c'est assez pour passer la frontière. Ont-ils réussi à s'échapper ? Le cœur battant, ils inspectent les alentours. Hélas, entre deux sapins, ils l'aperçoivent, là, juste devant eux, l'horrible, la terrible ligne de barbelés qui coupe l'Allemagne en deux. Ah, quelques mètres de plus et on aurait réussi. Soupire amèrement Peter. Et maintenant, que faire ? Pas le choix. Il faut récupérer la voiture et rentrer. Pour couvrir leurs traces, ils cachent le ballon sous des branches de sapin. Ils marchent 10 km, la boule au ventre, terrorisés par l'idée de se faire arrêter. De retour à Pesneck, immédiatement, Peter se rend chez leurs amis, les Wetzel. Vous le savez comme moi, si la Stasi découvre la montgolfière, on y tous cuit. Réussir à s'échapper ensemble avant qu'ils ne nous retrouvent, c'est notre seul espoir de ne pas terminer notre vie en prison. Günther et Petra acceptent de retenter le coup. Ils partiront avec leurs amis. Cette fois, ils le promettent, ils ne flancheront pas. Bien. Ajoute Peter. Il faut faire vite. Ils ne croient pas si bien dire. À 20 km de là, exactement au même moment, une voiture de la Stasi a repéré la montgolfière. Deux agents sont en train d'observer le matériel. Inspecteur, mais qu'est-ce que c'est? Ça, mon petit Hans, c'est la petite pourriture de traître qui a essayé de fuir notre beau pays. Voilà ce que c'est. L'inspecteur Von Bretzel ne reculera devant rien pour retrouver le fuyard. Le compte à rebours a commencé. Qui, de la Stasi ou de nos vaillants camarades, gagnera la course contre la montre? Pour pouvoir s'échapper, il faut fabriquer une nouvelle montgolfière. Toutes les nuits, tous les soirs, tous les samedis et dimanches, dans la cave des Stralzik, les deux familles cousent, elles assemblent, elles construisent. Et surtout, elles attendent le bon vent. 6 semaines passent. Enfin, le samedi 16 septembre 1979, le bulletin météo de 13h annonce une bonne nouvelle. Le vent du nord soufflera le soir même à la vitesse de 30 km/h. Peter et Günther se regardent. Purée, ils n'ont pas encore fini de coudre la toile. Pas le choix, ils vont devoir terminer en quatrième vitesse. C'est ce soir ou jamais. Pendant ce temps, l'enquête de la Stasi avance à grands pas. Au ministère de la Sécurité, quelques cerveaux fument. Inspecteur, inspecteur, venez voir. On a retrouvé des médicaments près de la montgolfière. L'inspecteur Von Bretzel déchiffre l'étiquette sur la boîte. Pharmacie de Pesneck. C'est là que vivent nos fuyards. L'ordonnance nous révélera leur identité et leur adresse. Et en effet, en passant un coup de téléphone bien musclé à la pharmacie, l'inspecteur obtient un nom, Doris Strelzik. On les tient, les gars. Allez, on fout chez eux. Plus une minute à perdre. Günther et Peter ont-ils fini de coudre la toile? Sont-ils prêts? Et surtout, sont-ils déjà partis? Une heure plus tard, cette voiture de la Stasi débarque devant la maison des Strelzik. L'inspecteur Von Bretzel sonne à la porte. Une fois. Deux fois. Trois fois. Personne. Les policiers entrent. Au sous-sol, ils découvrent une machine à coudre et des tas de livres sur les montgolfières. C'est eux, ça ne fait aucun doute. Faites préparer l'hélico. Hors de question qu'ils nous échappent. Peter, Günther, Doris, Petra et leurs enfants sont prêts à décoller. C'est parti. Oh, pétard, ça tangue, ça tangue! La nacelle n'est pas bien équilibrée. Oh non, c'est pas vrai! S'exclame Peter. La toile a pris feu. Heureusement, ils ont avec eux un extincteur. Rapidement, ils montent à 2000 mètres d'altitude, ils s'élèvent au-dessus de la forêt. Dans son hélico, l'inspecteur Von Bretzel aperçoit un point lumineux. Là, c'est eux! Vite, rattrapez-moi cette pourriture! À bord du ballon, ça ne va pas très fort. Le brûleur à gaz fait un drôle de bruit. On a trop chauffé! S'exclame Peter. Il n'y a plus de gaz, on va s'écraser! 3 minutes plus tard, la grande flamme s'éteint. Dans la nuit noire, sans nuages, ils entendent l'hélico arriver. Le vent continue de pousser la nacelle, mais ils ne font que descendre. Le ballon se rapproche dangereusement de la terre. C'est fini. Lance Peter au bord des larmes. Puis, en se retournant, il lance... Attention! Un poteau électrique! Évidemment, ils se le prennent, en pleine face. La montgolfière s'échoue sur le sol. Où sont-ils arrivés? Les Strelzik et les Wetzel marchent dans la forêt. Ils croisent une voiture. Elle s'arrête. Où sommes-nous? Demande Peter. À l'ouest. Le conducteur les regarde comme des hurluberlus. Sans dire un mot, il fait signe que oui. Nos vaillants aventuriers sautent de joie. Ils ont réussi. Ils sont passés à l'ouest. 11 ans plus tard, le 3 octobre 1990, après 45 ans de séparation, les deux Allemagnes seront enfin réunies. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Tiens, mais au fait, pourquoi l'Allemagne a été coupée en deux ? En 1945, l'Allemagne perd la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la France, pays vainqueurs, occupe son territoire. Petit à petit, un nouvel ordre politique se dessine. La Russie et les États-Unis s'affrontent durant une période qu'on appelle la guerre froide. Les États-Unis, l'Angleterre et la France regroupent leurs zones pour faire face à la Russie. En 1949, l'Allemagne est officiellement coupée en deux pays. À l'ouest, la RFA, la République fédérale d'Allemagne, alliée des États-Unis. À l'est, la RDA, la République démocratique d'Allemagne, sous l'influence de la Russie.